qui atteint en 2017 sa surface la plus petite depuis qu'elle a été observée par satellite en 1979. Idem au pôle sud où la banquise antarctique a elle également très nettement reculé l'an dernier. La banquise recule donc d'année en année, ça ressemble à un refrain connu et pourtant la situation est plus complexe que cela. Par exemple au niveau planétaire, c'est-à-dire nord et sud compris, elle a atteint il y a 3 ans le niveau le plus haut relevé depuis 20 ans. Que se passe-t-il sur nos banquises? Quelles conséquences ces variations peuvent-elles avoir sur le reste du climat de la planète et peut-on faire quelque chose pour y remédier? Banquise et pourtant elle fond, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre ces mécanismes saisonniers et climatiques déjà très complexes et aux répercussions, vous allez l'entendre encore plus complexes sur l'ensemble du climat planétaire, eh bien nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir autour de la table de la méthode scientifique Jean-Claude Gascard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, directeur de recherche CNRS émérite. Vous travaillez à l'Océan, le laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique qui dépend de l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour Jérôme Weiss. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de la Terre à l'université Grenoble-Alpes. Vous pouvez suivre notre émission et bien sûr les ondes et comme chaque jour sur notre compte Twitter @laméthodefc où nous allons poster tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers des études, des illustrations pour compléter ce qui se dit au micro. Alors avant de se poser la question ou plutôt de comprendre plus exactement comment et pourquoi la banquise fond et à quel rythme, peut-être ne serait-il finalement pas superflu, messieurs, de rappeler exactement ce qu'est la banquise, Jean-Claude Gascard. Alors, la banquise, c'est de la glace de mer, c'est de l'eau de mer qui gèle, et il faut bien distinguer cette eau de mer qui gèle de l'eau douce qui forme les glaciers, et donc les icebergs pour les glaciers qui se déverse dans la mer. Il y a une troisième forme de glace dont on parlera aussi aujourd'hui, c'est le permafrost en anglais, qu'on appelle pergélisol en français, qui veut dire le sol toujours gelé, dont on parlera aussi. Donc il faut bien distinguer ces trois formes de glace. Alors, justement pour éviter dès le départ une confusion, parce que cette confusion apparaît même des fois chez mes collègues scientifiques, c'est en termes de terminologie, il faut bien distinguer donc ce dont a parlé Jean-Claude, la banquise, de ce qu'on appelle des calottes polaires. Donc le terme calotte polaire, il ne faut pas l'utiliser pour la banquise, hein, il faut le réserver pour des glaces continentales, qui en fait des gigantesques glaciers qu'on a en Antarctique ou sur le Groenland. Qui sont des glaciers d'eau douce donc. Voilà, d'eau douce, et le mode de formation n'a strictement rien à voir. On peut peut-être préciser également que la banquise, on va parler de banquise arctique beaucoup, on va parler aussi de la banquise antarctique bien sûr, qu'elles sont assez différentes, Jean-Claude Gascard, qu'on peut donc évoquer la différence entre la banquise nord et la banquise sud. Ben, elles se ressemblent beaucoup. Ce sont des surfaces de glace qui sont très étendues, plusieurs millions de kilomètres carrés. Je rappelle que la France, c'est un demi-million de kilomètres carrés. Là, on parle de plus de 10, voire 20 millions de kilomètres carrés pour la banquise antarctique, 15 millions dans son extension maximum pour la banquise arctique. Donc ce sont de vastes étendues, mais très peu épaisses. C'est à peine quelques mètres d'épaisseur, sauf aux endroits où la banquise travaille, comme nous l'expliquera Jérôme, pour former des crêtes de compression. Un mot pour dire la banquise, on connaît aujourd'hui ses mécaniques de formation. Comment se forme la banquise traditionnellement, Jérôme Weiss? Ben, disons que là, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, c'est de l'eau de mer qui gèle, hein, donc essentiellement dans les zones arctiques, donc dans l'océan arctique et autour du continent antarctique essentiellement, et puis un petit peu aussi dans des zones périphériques comme la Baltique ou au nord du Japon, hein, voilà. Elle gèle à quelle température en moyenne? Alors, en général, du fait que l'eau de mer est salée, ça ne se gèle pas à zéro. On dit en général, c'est moins 1,8 degrés. Ça dépend du taux de salinité de l'eau. Donc, par exemple, dans la Baltique, qui est moins salée, ça va geler pratiquement à zéro degré, quoi. Voilà. Il faut distinguer aussi, Jean-Claude Gascard, la banquise saisonnière de la banquise pérenne. Oui, alors ça, c'est une spécificité de l'Arctique qui est en train de disparaître, on va en parler. Les banquises pérennes, ce sont les glaces qu'on appelle aussi pluriannuelles, c'est-à-dire qu'elles résistent à la fonte d'été. Il faut bien rappeler que la glace se forme en hiver et qu'elle fond en été, ça c'est pas nouveau, ça s'est toujours passé comme ça. Mais les glaces qui résistent à la fonte estivale continuent à se former donc les hivers suivants et contribue à la formation de cette banquise pérenne. La banquise pérenne, c'est celle dont on va parler donc pour le pôle Nord, pour la banquise arctique. On va voir que vous êtes à peu près d'accord et il y a une sorte de consensus aujourd'hui pour dire que cette banquise arctique, bientôt, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, elle va disparaître, cette banquise pérenne, c'est-à-dire que en été, elle n'existera plus, il n'y aura plus du tout de glace au pôle Nord. Alors, il faut être très prudent. Soyons prudents. On est là pour donner des choses précises. La banquise arctique, comme la banquise antarctique, ne va pas disparaître. Je suis très précis là-dessus. La banquise va se reformer en hiver. Ce qui va disparaître, c'est la banquise pérenne arctique, celle qui résiste à la fonte d'été. Et donc, dans quelques temps, peut-être dans 10 ans ou guère plus, la banquise arctique ressemblera de beaucoup à la banquise antarctique, c'est-à-dire qu'elle fondra complètement en été pour se reformer totalement en l'hiver suivant. Il faut bien préciser ça, Jérôme Veil, c'est-à-dire que la banquise ne va effectivement pas disparaître, mais on pense d'ailleurs que ce n'est peut-être pas la première fois de l'histoire de la planète que la banquise pérenne disparaît, qu'elle disparaît totalement en été, en tout cas au nord. Alors, de l'histoire de la planète, ça c'est certain. Si on veut essayer de remonter dans le passé, on parlera certainement tout à l'heure de l'évolution récente, mais si on veut remonter dans le passé, la difficulté avec la banquise, c'est qu'elle elle laisse peu de traces paléoclimatiques. C'est difficile de reconstituer son évolution sur des temps assez longs. Malgré tout, la présence ou non de banquise va modifier la faune planctonique, par exemple. Donc, si on fait des carottages sédimentaires dans l'océan Arctique, on va pouvoir éventuellement essayer de reconstituer l'évolution de l'étendue de la banquise. Et maintenant, à partir de ce genre de données, on estime que il y a de la banquise pérenne dans l'Arctique depuis au moins plusieurs milliers d'années. Voilà. Bon, c'est à prendre avec certaines pincettes, évidemment. Par contre, si on remonte vraiment loin dans le passé, on sait qu'il y a eu des épisodes au cours de l'ère tertiaire où il n'y avait plus de banquise pérenne. Hein, voilà, donc ça a existé dans le passé, bien sûr. Mais ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Voilà. Il faut peut-être préciser aussi quelque chose d'important, puisque la banquise est donc de l'eau de mer glacée. La fonte de la banquise n'entraîne que très marginalement une hausse du niveau des océans, quasiment pas. Ah, pas Jean-Claude du tout. Pas Gascard. Du tout. C'est Archimède. On c'est sait ça depuis Archimède. Voilà, la glace de mer est fait partie de l'océan, donc qu'elle fonde ou pas, elle ne changera pas le en niveau tout cas, des directement. Mers. Directement. Ce qui changera le niveau des mers, c'est si de la glace fond sur les continents et se déverse en abondance, ce qui s'est produit dans le passé d'ailleurs. Se déverse en abondance dans l'océan. Et c'est ça qui fait monter le niveau de la mer, avec en plus un facteur dilatation thermique des océans quand ils se réchauffent. Alors, je le disais dans cette intro, dans l'introduction de cette émission, 2017 est une des années où la banquise a atteint son plus bas taux de couverture le 7 mars pour la banquise arctique. C'est-à-dire que son maximal était le plus petit, avec un maximal très bas aussi pour la banquise antarctique. Et pour autant, je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, on avait des chiffres inverses. C'était une surprise, Jean-Claude Gascard, avec un maximum très haut, notamment plutôt pour la banquise antarctique. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces variations extrêmement importantes à si peu de temps d'écart? Pour mesurer précisément cette fonte, il faut prendre en compte 3 éléments. L'étendue de la glace, ce qu'on voit depuis les satellites en millions de kilomètres carrés, son épaisseur, on en parlait tout à l'heure, de quelques mètres, et la multiplication des deux fournit la masse, le volume, si vous préférez, de la glace. Et depuis quelques temps, on s'intéresse de plus en plus au volume, à la masse de la banquise au moins tout autant que de son étendue et de son épaisseur. Et c'est ce volume de glace qui est le paramètre parmi les trois que je citais qui a une tendance à évoluer le plus rapidement possible. On a par rapport à des situations qui datent de 20 ou 30 ans, la glace de mer au plus faible de son extension, donc à la fin de l'été, quand le maximum a fondu, on est à 75% de masse de glace en moins que ce que l'on avait il y a 20 ou 30 ans. 75%. Donc il ne reste plus qu'un quart de cette glace. Combien de temps va-t-il falloir pour que ce dernier quart disparaisse ? Selon nous, une dizaine d'années. Donc on est bien d'accord que malgré ces variations, et on reparlera de ce plus haut, de cette anomalie qui a surpris un peu tout le monde, océanographe et météorologue inclus, de 2014, mais on est bien d'accord qu'en tout cas la tendance, Jérôme Weiss, est bien à la fonte de la banquise. On va de toute façon au nord comme au sud vers une diminution de la surface de mer gelée chaque année. Alors, par rapport à l'anomalie, ou soi-disant anomalie de 2014, moi, de mon point de vue, il faut vraiment être prudent là-dessus, parce que cette histoire, on a rassemblé, les étendues des glaces de mer arctique et antarctique, alors qu'évidemment, elles sont totalement déphasées, hein, puisque quand c'est l'été en Arctique, c'est l'hiver en Antarctique, etc. Et donc, ce maximum en termes d'étendue, hein, et donc pas de volume, c'est ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure, c'était essentiellement lié à une très forte anomalie d'extension de la banquise antarctique. Le problème, c'est que cette évolution de l'étendue de la banquise antarctique est associée à une énorme variabilité, ce qu'on appelle une variabilité interannuelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une année, une banquise très très étendue, l'année suivante, un énorme retrait, l'année d'après, ça va être l'inverse, etc. Donc, en fait, on peut rien tirer de ce genre de choses. Et en particulier, le problème, c'est qu'en Antarctique, on a très très peu de données pour estimer l'épaisseur. Donc pour estimer in fine le paramètre capital qui est le bilan de masse, la masse, comment évolue la masse de glace, en Antarctique, on n'a quasiment pas de données pour faire ça sur le long terme. Donc il ne faut pas trop discuter de ce genre de... Non, mais c'est important d'aller dans la précision et d'essayer de comprendre ces différents mécanismes. On va entendre dans quelques instants un reportage justement sur des instruments qui permettent de mieux mesurer, de mieux monitorer en direct, de prendre la mesure en direct de la fonte et de l'épaisseur et pas de la surface uniquement de ces banquises, puisque la banquise est surveillée par satellite depuis 1979. Et en 1979, justement, quelques noms qui vous sont peut-être certainement familiers discutait à la télévision de la fonte de la banquise, notamment en Antarctique pour le coup, et vous allez l'entendre, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur les causes de cette fonte. Parmi les voix que vous allez reconnaître, Claude Lorius, Pierre-Émile Victor, Paul-Émile Victor, Haroun Taziev et Jacques-Yves Cousteau. D'abord, l'Antarctique, on sait qu'il y a de la glace dessus depuis une dizaine de millions d'années, et on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis 5 millions d'années. Et même un réchauffement, si cela était le cas, de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique. On peut discuter sur cette possibilité de changement de 2 à 3 degrés centigrades lié au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c'est très surestimé. Mais en ce qui concerne la glace, je crois qu'il faut quand même bannir cette idée que les calottes de glace sont forcément instables et instables à de très courtes échelles de temps. Non. C'est-à-dire qu'on connaît des changements importants, mais il s'agit du passage d'une glaciation à un climat chaud tel que nous le connaissons. Là, on sait que dans la nature, il s'est produit effectivement des changements et que le niveau des océans a changé de 100 mètres. Mais je ne crois pas, quant à moi, en particulier sur cette affaire de CO2. Sur des périodes de dizaines de milliers d'années. Des millions d'années, attention. Je voudrais tout de même dire qu'il n'y avait pas la pollution industrielle. Il y a 17 000 ans, la mer était à moins 170 mètres. C'est hier. Il n'y avait pas d'industrie, c'est l'industrie qui vient jeter là-dedans le trouble sur les grands rythmes naturels auxquels on assiste depuis des millions d'années. Sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas confondre l'Arctique et l'Antarctique. Ce qui a fondu il y a 15 000 ans, ce sont les calottes qui recouvraient les continents de l'hémisphère nord. Il y avait à cette époque-là beaucoup plus de glace dans l'hémisphère nord qu'il y en a actuellement dans l'Antarctique. Mais l'Antarctique n'a pas bougé. C'est bien de l'Antarctique dont nous parlons ce soir. L'Antarctique est, je pense, relativement stable. Oui. Je voudrais. Mais, répondez à la question d'Haroun Taziev. Est-ce que depuis la mise en place de la civilisation industrielle, entre guillemets, le risque n'est pas réel? C'est ça la question. C'est ça la question, oui. Mais en plus, le risque concerne aussi bien l'hémisphère nord. Le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Oui, parce que le plus grand danger, il n'y a pas de doute aujourd'hui, c'est les forages offshore. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus grand au point de vue du danger d'une façon générale. Mais on n'en est pas encore là dans l'Antarctique. Voilà la controverse hein, qui dure un peu plus longtemps entre Laurius, Victor Taziev et Cousteau. C'est Cousteau hein, qui dit mais c'est pas le CO2, vous me cassez les oreilles avec le CO2, ce sont les scories. Une réaction, alors on est en 1979 et on commence à s'intéresser aux raisons en tout cas de la fonte de ces calottes glaciaires. Alors la première chose c'est que par rapport à ce qu'on a dit au départ, là il parle de calottes polaires essentiellement, il ne parle pas de l'évolution de la banquise. Parce que, et ce qui est normal parce que en fait, dans les années 70, la banquise n'avait pas encore était au début de son évolution, enfin de son déclin. Donc bon, voilà, il n'y avait pas de signe de déclin de la banquise à cette époque-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est malgré tout la remarque de Cousteau à propos des scories et de l'effet sur le pouvoir réfléchissant des surfaces. Ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais effectivement, c'est un effet qui est réel. Hein. Ça veut pas dire qu'évidemment le CO2 ne joue pas de rôle dans le réchauffement climatique. Jean-Claude Gascard, une réaction à ce débat un peu vif de 1979? Depuis 1979, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc on en sait un peu plus qu'il ne savait à cette époque-là. On sait notamment qu'on a aujourd'hui dépassé 400 ppm, hein, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Le gaz carbonique est un effet de serre. L'effet de serre, on sait ce que c'est. Il n'y a pas de nouveauté physique là-dessus, il n'y a pas de mystère. Donc, y a un effet de serre, d'ailleurs, qui est salutaire à la vie sur Terre, mais il joue dans le sens physique que l'on connaît bien, c'est-à-dire qu'une augmentation des gaz à effet de serre explique en grande partie l'élévation de la température de la Terre. Et donc la fonte accélérée. Et donc la fonte accélérée de toute forme de glace, et notamment de la banquise, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h18 sur France Culture, nous parlons des banquises, de leur fonte et des conséquences que cette fonte peut avoir sur l'ensemble de la planète, en termes climatiques, en termes environnementaux, écologiques, mais aussi, on le verra, en termes géopolitiques. Nous en parlons avec Jean-Claude Gascard et Jérôme Weiss. Alors, pour suivre l'évolution de la banquise, hein, on l'a entendu, il y a bien sûr la surveillance satellite, mais Jean-Claude Gascard le disait tout à l'heure, maintenant on ne surveille pas que son étendue géographique, on surveille bien plus avant sa profondeur, sa nature, sa constitution, et avec de nouveaux outils qui permettent de suivre au plus près son évolution. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez tout nous expliquer du programme IAOUS. Oui, ce projet IAOUS est coordonné par les laboratoires L'Atmos et l'Océan de l'Université Pierre et Marie Curie. Il s'agit en fait d'une mission scientifique débutée il y a près de 10 ans qui repose entre autres sur les relevés de données d'une quinzaine de bouées qui dérivent avec la banquise et les courants arctiques. Ces bouées, elles sont équipées de capteurs relevant des données dans l'air, dans la glace et sous l'eau, et elles les transmettent en temps réel au centre de recherche impliqué dans la mission. Et c'est ce recueil de données en temps réel qui semble très important pour mieux comprendre l'évolution rapide de l'Arctique. J'ai rencontré Christine Provost qui est la coordinatrice du projet IAOUS. Elle nous détaille tous les enjeux de cette mission et le fonctionnement de ces bouées soumise aux conditions dantesques du pôle Nord. Alors, IAOUS, ça signifie Ice Atmosphere Ocean Observing System, et il vise au développement de bouées autonomes capables de mesurer à travers l'océan la glace et l'atmosphère en Arctique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bouée Yaous? À quoi ça ressemble? Est-ce que vous pourriez me la décrire? Oui. On pourrait peut-être aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Il y a d'abord de la flottabilité, c'est-à-dire qu'elle serait capable, même si la glace disparaissait, elle serait capable de flotter. Donc il y a une bouée qui a une espèce de cône qui fait 1,20 m de diamètre en haut et sur à peu près, ouais, pareil, 1,20 m de hauteur. Il y a un trou dans le cône au centre et passe un grand tube qui fait à peu près 3 mètres de haut. Et ce tube contient le lidar des atmosphériciens qui s'occupe des nuages, des particules, etc. pour étudier le bilan radiatif à l'interface. Sur cette bouée, on voit aussi qu'il y a deux valises qu'on appelle des péliques. Donc la jaune, c'est celle qui contient toute l'électronique et les piles de l'appareil glace. La grise contient le cerveau central de la bouée. Donc les données vont arriver dans ce cerveau central qui va les envoyer à l'antenne Iridium et les transmettre au satellite pour avoir les données en temps réel. Au grand tube donc, qui traverse la bouée est attaché un grand câble de 800 mètres de long. Enfin, on peut régler, enfin, le maximum est 800 mètres. Au bout duquel il y a un lest qui fait en sorte que le câble soit bien vertical. Et le long de ce câble, on a un profileur qui monte et qui descend sans glissement, qui fait des profils de différents paramètres dans l'océan. Donc à la base, c'est température, salinité, pression, oxygène dissous. Et maintenant, on a aussi des capteurs de biogéochimie, comme la chlorophylle, les nutriments, etc. Voilà. Et pour la partie glace, donc, expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne, ce capteur qui est à l'interface entre l'océan et la surface. La partie glace, donc la partie qui mesure, c'est une chaîne de 5 mètres de long avec des capteurs tous les 2 cm. Donc il y a des mesures de température régulières, toutes les heures, de température donc sur 5 mètres à 2 cm de résolution. Et la chaîne a deux modes de fonctionnement, donc ce mode passif où on mesure la température simplement, et un mode actif, parce que si vous avez une température de moins 10, vous ne savez pas si vous êtes dans la glace ou dans la neige. Donc l'autre mode de fonctionnement, c'est un mode chauffe, c'est très court, ça ne perturbe pas le milieu, on chauffe pendant une minute et on fait plusieurs mesures de température pendant cette chauffe. Et chaque milieu, que ce soit l'air, la neige ou la glace, et même l'océan, ont des résistivités thermiques différentes, ou diffusivités thermiques différentes, comme on veut. Et donc, on arrive vraiment à distinguer si on est dans la neige, si on est dans la glace, ou si on est dans l'eau. Et donc, on peut étudier la croissance de la glace, sa diminution, voir l'été, comment la neige fond, se transforme en eau, ou éventuellement l'hiver, comment l'océan arrive quelquefois à travers des lides à monter sur la glace. Et voilà, on voit plein de choses. Alors voilà, typiquement ce que mesure la chaîne. Là, on a les 5 mètres de la chaîne. Et ici, c'est intéressant, ce sont les dérivés temporels. Donc on voit que dans l'air, c'est la même chose sur la verticale, mais ça change très très vite. Les températures de l'air changent beaucoup. Dans la neige, les températures varient plus lentement. Dans la glace, encore plus lentement. Et dans l'océan, bon, quelquefois, ça se réchauffe. Et c'est là où c'est intéressant. Ici, c'est le mode chauffe, ce qu'on a dit, la mesure de la diffusivité thermique. On arrive bien à distinguer les milieux. On voit bien l'océan, la glace, la neige. Là, il a neigé très fortement, ce qui est exceptionnel, enfin, ce qui est nouveau en Arctique. Ici, on voit que, alors qu'il fait moins 30, hein, on voit que la glace s'amincit. Et pourquoi elle s'amincit? C'est parce que l'océan s'est réchauffé. Et là, il a neigé. Et que s'est-il passé? Il y a un poids beaucoup plus fort sur la glace. Là, puisqu'il y a plus de neige, la neige pèse et enfonce la glace. Et ici, que s'est-il passé? Eh bien, l'eau est passée au travers de la glace, par-dessus. Et ici, on a formé ce qui s'appelle de la glace de neige. C'est-à-dire, c'est un mélange d'océan et de neige. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau en Arctique, qui existe en Antarctique, qui est bien connu en Antarctique. Mais là, c'était quelque chose de très nouveau en Arctique, d'observer cette formation de glace de neige. Ça, c'est sur une période de combien de temps? Ça, c'est très court. Ça, c'était... en fait, c'est cette dérive ici. Là, on a perdu quand même 50 cm de glace en 15 jours, 3 semaines, quoi. Oui, non, c'est très rapide. Je voulais vous montrer l'utilité de mettre des webcams. Voilà. Et donc ça, c'est l'observation d'un lac de fonte. Donc ça, c'est une bouée qui a été installée au pôle Nord en avril sur une plaque de glace qui était assez épaisse au départ, mais qui avait beaucoup de neige. Hein, on voit ici la neige initiale est assez... Il y a 50 cm de neige. Et en fait, bon, on ne le savait pas, mais on était dans un point bas. La webcam vraiment documente la fonte de la neige et comment l'eau progresse sous la neige d'ailleurs, parce qu'elle va l'eau quand la neige fond, l'eau va aller à la surface de la glace. Donc cette eau a érodé la glace puisqu'on a perdu au moins 20 cm de glace en surface. Et tout d'un coup, donc la glace s'est réchauffée et la glace est devenue poreuse, il y a eu aussi un trou, et toute l'eau s'est évacuée en 12 heures. La webcam nous a vraiment aidé à comprendre ce qu'on observait vraiment avec notre appareil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la banquise après ces 10 ans d'expérience ? Elle est vraiment en train d'évoluer de façon très rapide. Elle est beaucoup plus fine qu'avant. Elle se casse plus facilement. Il y a plus en plus de... Enfin, il y a des tempêtes. Enfin, l'atmosphère aussi change. Les interactions océan-glace-atmosphère sont très différentes de ce qu'on imaginait avant. Bon, personnellement, je travaillais plutôt dans l'océan austral. Et l'Arctique, pour moi, c'est un océan mort. Il ne se passait rien, quoi. Et en fait, non, il se passe beaucoup de choses en Arctique maintenant. Tout est en train de changer, quoi. Le bilan à l'interface... Les échanges océan-atmosphère, tout est en train de changer. Le milieu est beaucoup plus dynamique. Donc nous voulons continuer à développer ce projet, rajouter de nouveaux capteurs et continuer. Ouais. Voilà le projet Yahoo, expliqué dans le reportage d'Antoine Beauchamp. Une réaction, Jean-Claude Gascard, Jérôme Weiss, à ce reportage, à ces nouveaux instruments de mesure qui nous permettent de mieux comprendre les mécaniques à l'œuvre. On a entendu un certain nombre de choses intéressantes. Oui, il faut bien comprendre que l'Arctique, c'est aussi vrai en grande partie pour l'Antarctique, c'est un désert. C'est très peu instrumenté. Il n'y a pas des stations météorologiques tous les 10 km comme il y a dans nos régions. Et donc, il y a une nécessité pour comprendre les phénomènes qui s'y passent d'instrumenter, de mettre des capteurs qui nous renseignent sur l'évolution physique, voire biogéochimique de tous ces paramètres dont on a parlé et qui caractérisent les banquises. D'où la nécessité de développer en Arctique comme en Antarctique des réseaux d'observation, des observatoires. Il faut être là tout le temps, jour et nuit, hiver comme été, et pendant de longues années. On est sur des aspects climat, météorologie, climatologie, les échelles de temps sont très longues, donc il faut être armé pour ça. Jérôme Weiss, à propos de, en réaction à ce que vient de dire Jean-Claude Gascard, il y a un certain nombre de missions océanographiques tout de même qui parcourent ces régions et qui rapportent chaque année des données. Ça voudrait dire qu'il faut plus d'instruments de ce type-là, autonomes, qui permettent d'être en permanence et de délivrer des informations sur du long temps que de simples missions saisonnières ? Alors, tout à fait. D'une part, parce que ces missions saisonnières où l'homme intervient à partir d'un brise-glace ou quoi que ce soit, c'est extrêmement ponctuel, en général, à la fois sur l'aspect temporel et spatial. Donc, ce type d'instrument automatique est absolument indispensable. Malgré tout, je dirais que ces instruments fournissent également des données ponctuelles, hein, localement, qui sont indispensables pour comprendre l'évolution du bilan de masse de la banquise. Et donc, pour mieux comprendre les processus thermodynamiques qui vont faire que cette banquise va évoluer sous l'effet du réchauffement climatique. Mais il y a d'autres processus, en particulier les processus dynamiques, c'est-à-dire comment la banquise va dériver, se déformer, se fracturer, etc., qui vont aussi avoir un impact sur l'évolution de cette banquise, sur son bilan de masse. Et les deux types de grandes familles de processus, c'est-à-dire thermodynamique et mécanique et dynamique, interagissent entre eux, ce qui fait que c'est assez compliqué tout ça à modéliser. Oui, c'est voilà. Effectivement des modélisations très complexes. On entendait dans le reportage quelque chose qui est que cette neige, c'est nouveau en Antarctique, la glace de neige, c'est nouveau en Antarctique, contrairement à l'Antarctique, Jean-Claude Gascard, cette affaire. Alors, la neige est effectivement un vrai problème, surtout à l'heure où on a un satellite qui s'appelle Cryosat, et qui mesure avec un altimètre ultra précis, au centimètre près, même si le satellite est à 1000 km d'altitude, c'est phénoménal comme précision, il est destiné à mesurer ce qu'on appelle le franc-bord de la glace, c'est-à-dire l'élévation de la glace au-dessus du niveau de la mer, pour en déduire l'épaisseur, parce que ce franc-bord est directement relié à travers la densité de la glace à son épaisseur. Et c'est encore une fois l'épaisseur qui nous intéresse au plus haut point. Mais s'il y a de la neige au-dessus de la glace, c'est une charge. Et donc le franc-bord de la glace diminue sous l'effet de la charge de neige qui, comme le disait Christine Provost dans le reportage, est très abondante dans l'Antarctique et à tel point d'ailleurs qu'elle peut enfoncer la glace sous le niveau de la mer, Et la neige, à ce moment-là, touche l'eau de mer qui fond cette neige qui se reforme en glace, etc. Parce que la neige est quand même beaucoup moins salée que la glace, du fait de la différence de salinité entre la neige qui est de l'eau pure et la glace de mer qui est formée à partir d'eau salée. Cette neige qui a fondu dans l'eau se retransforme en glace parce qu'elle est refroidie en dessous de sa température de congélation. On appelle donc ça de la glace de neige. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mr. Iceberg holding his nose hand, a girl the color of sand, and beneath his hand, an old woman's land. Mr. Iceberg has a heart of stone, he wants to be left alone. Norton says his eyes, she's his sacrifice. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes to make love on the rocks. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes his little girls in socks. Mr. Iceberg holding his nose hand, a girl the color of sand, and in his house hand, an old woman's land. Mr. Iceberg's tired of his game, let her go, they're all the same. She's his interlude, frozen attitude. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes to make love on the rocks. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes his little girls in socks. Mr. Iceberg holding his nose hand, a girl the color of sand, and in his house hand, an old woman's land. Mr. Iceberg has a heart of stone, he wants to be left alone. Norton says his eyes, she's his sacrifice. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes to make love on the rocks. Mr. Iceberg, Mr. Iceberg, Mr. Iceberg likes his little girls in socks. Mr. Iceberg de Serge Gainsbourg dans la méthode scientifique à 16h33, puisque nous parlons de la banquise et non pas des icebergs qui sont de l'eau douce, comme nous l'a rappelé Jean-Claude Gascard tout à l'heure. Jean-Claude Gascard, océanographe, directeur de recherche CNRS émérite à l'Océan, qui est un laboratoire d'océanographie et du climat à l'université Pierre et Marie Curie. Et Jérôme Weiss, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de la Terre à l'université Grenoble-Alpes. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu au fonctionnement de la banquise comme objet géophysique, comme objet dynamique naturel, qui a de fortes répercussions tant sur la régulation du climat que sur la température, la salinité des océans. Peut-être en commençant par dire et par évoquer un concept qui a été soulevé à quelques occasions lors de la première partie de cette émission, pour dire que la banquise est avant tout, Jérôme Weiss, un isolant naturel. Tout à fait. Alors donc, il faut imaginer la banquise comme effectivement un isolant entre l'atmosphère des régions polaires et les océans antarctiques ou arctiques, parce que la présence ou non de banquise va changer radicalement les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Donc que ça soit les échanges radiatifs, donc en particulier En été, eh bien, le rayonnement solaire, si vous avez de la banquise, la banquise ayant un pouvoir réfléchissant extrêmement élevé, en particulier s'il y a de la neige sur la banquise. Donc la majeure partie de l'énergie radiative va être envoyée vers l'extérieur. Alors que si vous n'avez plus de banquise, eh bien une grande partie de cette énergie radiative va être absorbée par l'océan. Hein. Mais la banquise aussi modifie les échanges mécaniques entre l'atmosphère et l'océan. Hein. Donc quand vous avez des vents qui soufflent sur la banquise, ils vont pas avoir le même impact sur les mouvements de l'océan à la surface. Hein. Donc ça change les deux aspects. Donc c'est vraiment la présence ou non de banquise va modifier radicalement ces échanges entre l'océan et l'atmosphère. Cet albédo, donc Jean-Claude Gascard, comme vient de le dire Jérôme Veil, ça minimise les échanges de chaleur et d'humidité entre l'atmosphère et la masse océanique. Il y a un autre effet important aussi, c'est la régulation de la salinité de l'océan par la banquise, puisque la banquise, une fois que l'eau de mer congèle, en fait, le sel ne reste pas en surface ou également réparti, il va petit à petit tomber vers le fond. Oui, c'est ce qu'on appelle la formation des saumures ou des brines en anglais. Saumures, c'est-à-dire des solutions qui sont très concentrées en sel. Quand l'eau de mer gèle et qu'elle forme la glace, vous avez, pour simplifier, la moitié du sel, mettons qu'on est à 30 grammes de sel par litre d'eau de mer, la moitié de ces 30 grammes reste prisonnier de la glace, qui donc est à 15 grammes de sel par kilogramme de glace en termes de concentration de sel quand elle est très jeune. Et les 15 grammes de sel restants plongent à l'état de solution qu'on appelle une saumure et plongent dans la mer. Mais ces 15 grammes se rajoutent aux 30 grammes qui sont dans l'eau de mer qui est sous-jacente. C'est pour ça qu'on a une augmentation de concentration de sel. Et ce phénomène est très important pour la ventilation des océans polaires. Il participe aussi à ce mot un petit peu mystérieux qu'on appelle la circulation thermohaline, qui vient de thermo, température, haline, salinité, qui donc crée cette grande noria de courants qui font circuler les masses d'eau des pôles vers l'équateur et réciproquement. Ce qu'on peut essayer d'expliquer ou en tout cas de visualiser, puis on peut vous mettre aussi sur le fil Twitter de l'émission quelques schémas pour bien le comprendre, c'est qu'il y a deux types de courants océaniques, des courants horizontaux et des courants verticaux. Via la régulation de la température, l'albédo, donc la réflexion d'une partie de la chaleur solaire et la régulation de la salinité, la banquise permet d'entretenir ces deux courants à la fois sur une base horizontale en permettant de réchauffer ou de refroidir les eaux de surface et en même temps sur les courants verticaux en faisant plonger les eaux les plus salines, en refroidissant les courants, les faisant plonger vers le bas et en entraînant ces effets de tapis roulant. Jérôme Weiss. Là, je vais plutôt laisser Jean-Claude, Jean-Claude qui est plus spécialiste de ce genre de choses. Oui, ce qu'il y a, c'est que... C'est un résumé à grands traits, mais je vous laisse le soin de l'affiner et de le raffiner. Disons que la banquise n'existe pas toute seule, elle est soutenue, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très abondante en Arctique, même si elle a tendance à disparaître, cette glace pérenne dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a, en plus de la banquise, une masse d'eau relativement fraîche, d'autant plus fraîche qu'en Arctique, il y a des fleuves qui viennent de Sibérie ou du nord du Canada, le Mackenzie, qui donc amènent de l'eau douce dans l'océan. Et cette douceur, ce manque de salinité favorise la congélation. Donc cette masse d'eau polaire qui est beaucoup plus importante en termes d'épaisseur, on est à plusieurs dizaines de mètres, on n'est pas à quelques mètres d'épaisseur, elle circule avec la glace, elle vit avec la glace, en osmose avec la glace. Et lorsque à la fois cette masse de glace et d'eau polaire circulent dans tous les océans de l'hémisphère nord, ils viennent à toucher des zones qui sont très connues pour ventiler l'océan profond par des convections profondes. Lorsque les eaux du Gulf Stream, par exemple, arrivent dans les régions de la mer du Groenland ou du Labrador, elles se sont refroidies suffisamment pour que leur densité les entraîne vers le fond. Sauf s'il y a un mélange avec des eaux polaires qui viennent contrarier cette plongée, liée à cette densification des masses d'eau, liée à leur refroidissement, parce qu'il y a un manque de salinité. Mmh. Et cette invasion d'eau polaire dans les régions de convection profonde peut paralyser, ralentir, voire même arrêter la convection profonde et la ventilation dans les... Alors, dans l'Antarctique, ça se produit aussi en mer de Bedel, pour le secteur atlantique, ou la mer de Ross dans le secteur pacifique. Un mot aussi, du coup, Jérôme, je me retourne vers vous, parce que c'est l'une de vos spécialités, de cette banquise qui a des propriétés aussi physiques, qui vont être importantes, parce que moins elle est épaisse, plus ses propriétés physiques vont également contribuer peut-être à l'accélération de sa fonte. Alors tout à fait, ce qui est important de noter encore une fois, c'est quand on dit la banquise fond, en fait c'est un petit peu réducteur parce que la banquise décline, voilà, ce serait plus exact parce que plusieurs paramètres évoluent, non seulement l'étendue spatiale, l'épaisseur, mais on s'est rendu compte aussi que de ce fait-là, du fait qu'elle est plus fine, elle est mécaniquement moins résistante, donc elle va se déformer, se fracturer plus facilement, donc elle va dériver plus vite. Et ça, on a noté une accélération spectaculaire de sa dérive au cours des dernières décennies. Et ça, ça a un impact aussi, en tout cas en Arctique, sur le bilan de masse. Parce que si vous imaginez qu'une banquise qui va par exemple se former en mer de Beaufort, c'est-à-dire au nord du Canada et de l'Alaska, à l'année zéro, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, cette banquise allait être exportée à travers le détroit de Fram qui se situe entre le Spitzberg et le nord du Groenland au bout de 7, 8, 9 ans. Maintenant, ce temps de parcours est fortement réduit, hein, de l'ordre de 4, 5 ans. Ça donc en fait, vite, les banquises ont moins de temps de vieillir, donc elles ont moins de temps de grossir. Voilà, donc ça a un impact aussi. Et en plus, si la banquise se fracture plus... quand vous fracturez la banquise, vous ouvrez de l'eau libre, donc vous facilitez les échanges dont on a parlé tout à l'heure, océan-atmosphère, vous modifiez l'albédo moyen de la banquise, et ça, maintenant, on sait que ça a un impact non négligeable sur son évolution. Donc, en fait, on a une sorte de cercle vicieux. Alors justement, parlons de cette évolution et de ses conséquences, notamment, on l'a dit, hein, depuis 1979, la surface, donc là pour l'albédo c'est la surface qui est importante plus que la profondeur, la surface réfléchissante a fortement diminué. Qu'est-ce que cela signifie? Notamment, on parle beaucoup de la banquise arctique, puisque la banquise arctique, il n'y a pas de continent en dessous, donc elle est amenée, comme on l'a dit tout à l'heure, à disparaître en été. Ne pas disparaître en entier, bien sûr. En été, la banquise pérenne est amenée à disparaître. Quelles sont les premières conséquences que l'on peut observer aujourd'hui, Jean-Claude Gascard, sur cette diminution de la surface réfléchissante, donc de cette diminution de l'albédo? Est-ce qu'on constate un réchauffement de l'océan arctique? Est-ce qu'on constate au contraire un refroidissement du climat? Ce sont des mécaniques météorologiques et océaniques extrêmement complexes. Oui, on a récemment identifié le fait que la glace, quand on dit qu'elle fond, elle se forme en hiver et elle fond en été. Donc il y a un combat permanent entre quelle quantité de glace se forme par rapport à quelle quantité de glace va fondre. Visiblement, les glaces qui fondent prennent le pas sur les glaces qui se forment. Et c'est pour ça qu'on assiste à un déclin de la banquise arctique. Mais est-ce que c'est dû au fait que l'effet de fonte a augmenté, son effet s'est accru, ou est-ce que c'est parce que la glace se forme moins en hiver? Mais la réponse, c'est que effectivement, on a constaté, à partir de nos observations, qu'une grande partie du problème vient du fait que les hivers sont de plus en plus doux en Arctique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire moins 40 pendant 30 ou 100 jours, le congélateur arctique, il est descendu à moins 30 ou moins 20. Si c'est encore froid, on forme encore de la glace, mais on en forme moins qu'avant, beaucoup moins. Ce qui explique qu'effectivement, que de ce combat dont je parlais tout à l'heure entre ce qui se fait et ce qui fond, la partie qui se fait a tendance à décliner beaucoup plus et l'autre partie est dominante. Donc il y a un déclin qui est lié à ça, mais n'oublions pas que c'est beaucoup, beaucoup lié au fait que les hivers se sont considérablement adoucis en Arctique. Un mot peut-être aussi pour dire que on parle de conséquences océaniques. On a évoqué tout à l'heure avec vous, Jean-Claude Gascard, les conséquences que ça pourrait avoir sur le Gulf Stream, hein, sur ce courant chaud qui traverse l'Atlantique et qui fait que nous avons ici, notamment en Europe occidentale, un climat tempéré. Mais la fonte de la banquise va également avoir avoir des répercussions atmosphériques sur les courants atmosphériques. Vous pouvez nous en dire un mot, Jean-Claude Gascard ? Oui, alors ça c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point. On pourrait à la limite expliquer que les températures sibériennes, polaires, dirons-nous, que connaissent le nord-est des États-Unis, pourraient être liées de près ou de loin à un réchauffement de l'Arctique. Alors, contrairement à ce qu'en pense le président américain. N'entrons pas dans ces polémiques. Il y a des gens qui souffrent du froid dans le nord-est des États-Unis. Il fait très, très, très froid. Je lisais dans les journaux récemment que sur le mont Washington, qui est au nord-est des États-Unis, sur les monts Appalaches, la température était descendue en dessous de moins 70 avec l'effet wind chill, enfin l'effet du vent. Au même moment, je signale qu'à Sydney, il faisait plus 45 degrés parce que c'est l'été austral et qu'ils ont dû arrêter les compétitions de tennis parce qu'il faisait franchement trop chaud, quoi. Donc, la banquise, ces retraits massifs de banquise en Arctique contribuent à affaiblir ce qu'on appelle le vortex polaire. C'est-à-dire, c'est cette masse d'air froide qui est emprisonnée au-dessus des régions polaires de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est aussi analogue, mais parlons de l'Arctique. Et qui sont séparés des masses d'air aux latitudes tempérées, donc subtropicales, par des courants très puissants. On connaît le jet stream. Les gens qui circulent en avion entre l'Europe et les États-Unis savent qu'il faut une heure de moins pour revenir des États-Unis que pour y aller. C'est grâce au jet stream, qui est un courant qui résulte de la séparation entre le vortex polaire et les masses d'air des latitudes subtropicales. Eh bien, ce jet stream a tendance, parce que le vortex polaire s'affaiblit sous l'effet du déclin des glaces de mer arctiques, il se trouve que le jet stream fait des méandres de plus en plus importants, enfin l'extension nord-sud de ces méandres est de plus en plus importante, et dans chacun de ces méandres, vous imaginez les cyclones et les anticyclones qui viennent s'enchevêtrer là-dedans, et donc auxquels sont associés des transports méridiens de chaleur vers le nord et de froid vers le sud. C'est les vases communicants. Ça, c'est très important actuellement pour essayer de comprendre pourquoi notre météorologie quotidienne peut être tellement affectée par les phénomènes du type déclin des glaces qu'on est en train de discuter. Et comprendre pourquoi dans un contexte de réchauffement climatique, on arrive finalement à des extrêmes plus extrêmes et donc à des froids plus froids. Ce que ce mécanisme, au moins pour ce que l'on comprend, va modifier, c'est surtout sur la variabilité. En fait, là, effectivement, actuellement, il fait extrêmement froid en Amérique du Nord. Récemment, dans les Alpes, hein, puisque je viens de Grenoble, au début décembre, on a eu une petite vague de froid avec beaucoup de neige. On était très contents. Et puis, il y a une semaine, il s'est mis à pleuvoir à 2500 mètres. Donc, c'est cette variabilité qui, avant, je veux dire, même moi, quand je suis venu sur Grenoble il y a 25 ans, ça n'existait pas. Hein. Je veux dire, on sent cette modification réellement. Ça, c'est possible que ça soit lié indirectement au moins à la diminution de la couverture de glace dans l'océan Arctique. Alors, on pourrait évoquer, on l'a déjà fait, peut-être souhaitez-vous en dire un mot l'un l'autre aussi des conséquences environnementales, notamment pour la faune sauvage, qu'elle soit terrestre ou marine. On sait bien que la modification de la salinité, la modification de la température de l'eau peut faire varier les déplacements de populations de grands mammifères marins notamment, mais aussi on connaît évidemment tous les images d'ours polaires en quête de nourriture et qui sont en train d'être déboussolés par ces variabilités de la banquise. Un mot là-dessus, Jean-Claude Gascard ? Ben oui, les ours polaires, Ursus maritimus, c'est un mammifère marin qui est le grand prédateur qui est au bout de la chaîne trophique hein, en Arctique, qui ne peut se nourrir que s'il a de la glace pour pouvoir attraper les phoques. Notamment, s'il n'y a plus de glace, il est impossible à un ours de pouvoir capturer un phoque, et donc ils ne peuvent plus se nourrir. Sauf à trouver une alimentation de substitution, ce qui n'est pas facile, en tout cas au niveau de leur diète quotidienne, pose quand même de nombreux problèmes. Donc, oui, les ours polaires, ces déclins, ces retraits de glace prématurés, ces reformations de glace à l'automne qui sont retardées, gênent considérablement les ours dans leur diététique quotidienne, et donc ils sont très exposés. Et on peut aussi aborder d'autres problèmes liés aux écosystèmes marins. On assiste à des variations des fronts polaires, des déplacements d'espèces plus ou moins invasives qui trouvent des niches différentes au niveau de leur habitat en Arctique. Oui, on parle aussi de l'acidification des océans. Avec un changement aussi de la concentration en plancton en fonction des époques et justement à cause... Et qui touche effectivement la productivité primaire qui est le plancton. La première conséquence, va être dans la chaîne trophique, ça va être le plancton, bien sûr. Et après, on descend dans la chaîne, où on remonte les poissons, en fonction de... où on remonte plutôt les poissons, etc. Donc avec des conséquences éventuelles sur la pêche, par exemple, à moyen terme. Pour conclure cette émission dans la dizaine de minutes qui nous reste, on sait que, vous l'avez dit au début d'émission, que d'ici quelques années, il n'y aura donc plus de banquise pérenne en été. Ça veut dire que des canaux maritimes vont s'ouvrir, des canaux maritimes qui étaient fermés, qui sont des canaux maritimes historiques. La recherche pour le passage du Nord-Ouest, il y a une littérature abondante là-dessus. On a retrouvé il y a peu de temps l'épave du HMS Terror, qui est l'un des bateaux qui avait sobré corps et bien en tentant de traverser, de rejoindre l'Atlantique par le Pacifique, par le Nord, en gagnant donc beaucoup de temps, parce que le trajet est plus court. Que se passe-t-il si ces canaux maritimes s'ouvrent aujourd'hui? C'est une aussi révolution géopolitique à laquelle il faut s'attendre, Jean-Claude Gascard. Ah oui, donc cette révolution, elle est en cours. C'est pas une prévision pour le futur. Il y a des développements industriels considérables dans le nord de la Russie, sur la péninsule du Yamal, où même des entreprises françaises associées à des entreprises russes exploitent le méthane. Il y a un projet donc sur la péninsule de Yamal qui exploite le méthane sous forme de gaz liquéfié qui est stocké dans des bateaux qui sont actuellement en construction en Corée du Sud, par exemple, qui sont des bateaux prévus pour briser de la glace, mais une certaine glace. Encore une fois, il y a une grosse différence au niveau brise-glace entre être capable de casser de la glace de l'année, de la glace neuve, et de la glace ancienne, qui est très dure, très résistante. Donc effectivement, cette évolution de l'Arctique, de la glace en Arctique, combinée à la découverte et à l'exploitation de champs de gaz, principalement, déclenche quelque chose de très nouveau en Arctique, avec des norias de bateaux, des tankers équipés pour briser de la glace jeune, qui transporte des quantités phénoménales de méthane vers l'Asie ou vers l'Europe. Alors il y a une estimation que vous allez me dire ce que vous en pensez l'un et l'autre. Ce sont des estimations, donc il faut toujours être méfiant vis-à-vis de ces estimations, mais qui disent que 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non encore exploité se trouveraient dans l'océan Arctique. Oui, alors ça c'est une estimation du bureau géologique américain qui date d'il y a quelques années. Mmh. Alors bon, c'est basé sur évidemment des données géologiques parcellaires. Personne n'est allé vérifier qu'il y avait réellement du pétrole ou du gaz. Voilà. Mais enfin bon, c'est sûr qu'il y a certainement un potentiel. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Claude, quand même, je voudrais quand même malgré tout un petit peu pondérer l'histoire, parce que l'Arctique ne va pas devenir du jour au lendemain un paradis pour l'exploitation offshore des hydrocarbures ou pour ce genre de choses. On peut préciser que Barack Obama, avant la fin de son mandat, a maintenu l'interdiction de forage d'exploitation dans l'océan Arctique. Alors ça peut être validé, mais en tout cas ça, pour le moment, politique, c'est relativement. Mais je dirais protégé. Que le plus gros projet actuellement qui est déjà en route, puisque Jean-Claude a parlé de tankers, enfin de méthaniers résistant aux glaces, au moins un certain type de glace. Donc là, le premier méthanier a fait le premier voyage, je crois que c'était... C'est un méthanier russe au mois de septembre. Malgré tout, l'Arctique, même quand il n'y aura presque plus de glace à la fin de l'été boréal, ça va rester une région compliquée, hein, parce qu'il fait quand même nuit 6 mois de l'année. Il peut y avoir des tempêtes importantes, du gel. Donc, malgré tout, ça va pas devenir du jour au lendemain un paradis. Hein, donc, en particulier, il y avait un certain nombre de projets d'exploitation d'hydrocarbures offshore. En mer de Barents, par exemple, et qui pour l'instant ont été stoppés, et pas du fait de pour des raisons politiques, mais pour des raisons économiques, hein, parce que c'est pas, enfin, en tout cas, les pétroliers considéraient que c'était pas assez rentable, il y avait trop compliqué. Hein, donc, Alors on me signale en fait que Donald Trump effectivement est revenu vendredi dernier sur cette interdiction de forage dans l'océan Arctique. Jean-Claude Gasper. Oui, je précisais bien tout à l'heure qu'au niveau de l'exploitation du gaz en Arctique. C'était pas le gaz offshore. Oui, c'était pas pas dans l'océan. C'était sur la péninsule. C'était les pieds sur terre. Hein. Mais une fois qu'on a extrait ce gaz, il faut bien en faire quelque chose. Donc on l'envoie soit à travers des pipelines sur des milliers de kilomètres vers les lieux de consommation, ou bien on le stocke effectivement à bord de méthaniers qui le transportent sous forme liquide. Vers les centres d'accueil en Asie ou en Europe ou en Amérique du Nord. Donc pour l'instant, il s'agit de ressources méthanières, principalement de gaz, donc méthane, sur la terre arctique et pas dans l'océan. Simplement que j'indiquais que ce gaz est largement exploité actuellement à partir d'une flotte de méthaniers brise-glace qui sont en... pour certains construits et en opération et d'autres en construction. Il y a ces enjeux pétroliers ou gaziers, il y a des enjeux juste de commerce et de transit international. Hein. Le passage du Nord-Ouest ou le passage du Nord-Est raccourcissent considérablement les trajets entre l'Atlantique et le Pacifique. Il y a même un premier bateau de croisière qui est passé l'année dernière par le passage du Nord-Ouest. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, si c'est plus court, ça veut dire qu'on consomme moins de fuel. Est-ce que finalement... Encore une fois, enfin, moi... Il y a un chercheur canadien qui a étudié ça dans le détail. Il faut un peu pondérer l'histoire parce que c'est vrai que en nombre de kilomètres, ça, vous allez réduire très fortement le nombre de kilomètres. Mais au moins jusqu'à présent, par exemple pour la route du Nord-Est qui est au nord de la Sibérie, tout bâtiment commercial ou un tanker ou quoi que ce soit va devoir être accompagné de brise-glace russe à un prix, n'est-ce pas, non négligeable. Il y a pas d'infrastructure côtière aussi performante qu'ailleurs, etc. Donc en fait, si vous faites le calcul total, encore une fois, c'est pas non plus l'Eldorado qui arrive comme ça du jour au lendemain. Hein. Mais c'est sûr que les choses évoluent parce que la nature évolue, mais bon, voilà. Donc normalement, l'océan Arctique devrait rester en protégé encore quelques années, disons, par sa nature sauvage et pas bien exploitée. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Richard Dufour à la technique.